Thank you. Thank you. je voudrais tant que tu t'en souviens. Les jours heureux où nous étions amis, à ce temps-là, la vie était plus belle. Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. l'illusion de se ressemble. Thank you.